C'est la musique qui m'aide à vaincre mes peurs. C'est plus qu'un rite, une façon de vivre, une façon d'évoluer. Un style de vie qui permet à l'intérieur de voyager. Une mélodie, une vibration, couleur marijuana. Un rythme, une révolution, façon guerrier du chalois. C'est le rythme et la musique qui me portent depuis que je suis né. Le rythme et la musique qui me donnent l'envie d'exister.